obsessionnel et de la turgescence aussi, démentielle. Okay, so this is going on forever, you know? So if you got nothing to say, say nothing. You see what I mean? And please censor yourselves. Censurez-vous. La censure. Yeah, you see? Oh well, you can hear the large scenes and all that. Yeah, it's live, yeah. I know, it's really crappy. It's a really crappy show. Yeah. It's like, it's the worst show ever. The worst show ever. Oh my god, what is happening? What is happening now? It's gotta be something wrong here. There's got to be something wrong. Something wrong. I can hear myself now. What is wrong? What is going on? Am I in a box? Am I in a box? RCA. I'm gonna put a boom boom just to keep us busy, you know. It's not gonna last very long, it's just an hour or two. Don't worry about yourselves. You certainly are going to die. Maybe even tonight. Who knows? Okay, so I was talking about a boom boom or something, right? Yeah, I can't remember exactly. Je me souviens pas exactement où j'en suis. Donc, si vous voulez bien ne pas me pardonner, don't forgive me anything. I wouldn't want to be nice or anything with you or with Mitch. I wouldn't be well, nice with anything. Ah, why do that? La la la. La la dum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum Alors? Non, là, là, ici, là. La chaise. Et la prise aussi. La prise. J'avais une histoire à raconter par rapport à l'ancien, donc l'ancien, donc il est là encore, toujours avec nous et toujours présent. Dans une tergiversation quelque part, et c'est une bilance quelque part aussi. Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Pourquoi y a rien là? Why isn't there anything? I can answer maybe in A form or in another, and we will still not know what the answer is. There's got to be a question somewhere. I mean, where is the question? Where is the answer? Where is everything? I mean, where are we going? Where are we going away? I mean. I was meaning. tell you this is nuisances, so it's going to be particularly nuisance-y tonight. It might even be boring to death, man, so don't listen to this. Listen to something else, listen to yourself fart. For example? You're gonna have to stop this straight away. I will not tolerate anything except for anything but what I mean. You see what I mean? Do you understand what I'm saying? Okay. Now I'm not gonna go by translating what I mean. You've got to understand. This is not about meaning. Okay. I'm not mean. Okay. Solitude, solitary, it's confinement, it's about imprisonment of the soul in a body, it's a rotting body, it's dying, it's decaying away, it's degenerating, it's almost dead already, in fact it's already dead, it knows itself, it knows it's gonna die already, it already knows it, all of it, you can feel it coming, you can feel the space, discontinuing. You can feel it all, except you can't feel the exception. What I want to see. I want to see you hit me in the face with a guitar. I want to see me die. Oh my god. I'm already dead again. Once more. Thank you. c'est juste que je m'étais pris en plus, tu vois, sur le casque là-bas, dans le bonnet, c'est facile. That's a tuned guitar. Oh, can you detune that guitar, please? Like, can you play with a guitar like this? You see what I mean? Okay, because I don't want a tuned guitar in my show. This is my show, this is my world, okay? I want you to play with a detuned guitar. This is a nice guitar. This is a very nice guitar. It's actually more tuned than your tuned knee. In fact, there's something wrong. Oh, you tune it again? Okay, you want me to detune it for you? No, I'm detuning it. Okay. Courir. Courir est perdu. Courir est perdu après la mort. Ou quand une autre plus petite caramélise le spectre du petit soulier, du marchand de sable, et savoir le vendeur divin. Et même si je crie à jouir à ce régénéré, car enfin dire dormir, se sentir, se sentir, se sentir, sentir, se sentir, sentir libre. Libre parce qu'enfin mortel, se donner à se donner, à s'empêcher de poivrer ses rêves éveillés. Consomme ta semence, la mienne. L'espèce de tonitruance truande. Hivernal, vagin d'une chèvre de mystère. Si le désir anal m'emplissait par de longs souffles de diamants bleus, envers et loin. Là, quand de kidam en âme, les circonflexes sont le support des choses inscrites en vers, à l'endroit, au revers du néoprène. Un slip en casquette, empli de robes froissées, lamées, lacérées, épuisées, façon pucelle en construction. En cassolette. Un dégoût de reviens-y. Courage, qu'il nous faut vivre. Courage! Un peu comme Kiski, que j'aurais l'accent occitan. C'est excitant. Je suis pas forcément d'accord, l'accent occitan, ça me fait chier, moi. Moi aussi. C'était pour jouer avec les S. Ah, c'était pour jouer, je comprends. Comme l'autre con qui est mort il y a pas longtemps. Ah ouais, ça me fait pas chier l'accent occitan, je plaisantais. Hein. Mais moi, je plaisantais pas. Parce que j'ai une tête à plaisanter. Terrorisant les terroristes. Que toutes les mères meurent. Le pain moulé n'est pas en cause. Roté ne change rien. Car vibrer est violent et vaciller sur ses points, discriminant. Je sens la pisse quand je prends du gras. C'est vrai, je sens la pisse. Je sens la pisse parfois. Parce que je me lave pas assez, des fois. Je sens la mort. Et puis c'est même pas de la provocation, hein, c'est parce que je le fais pas exprès. Enfin, je fais pas... Surtout, je fais pas exprès. C'est l'autre jour, il me disait va te faire enculer, tu vois. Moi, je lui dis, mais ouais, vas-y, toi aussi. Alors, décrochons les testicules du frontispice des nefs, ou les grèves, ou les fronts qui se cotisent et qui accostent et qui refont le plein de livres. I like it when it's dead. Reminds me of everything. I was thinking of something, that's what I mean. That's what I mean. Eh ben, tu as bonne mine. Sois pas pas méchant avec ma sale trogne. Elle ne mérite que des vers de terre. Après tout, ne sommes-nous pas en hiver? Presque. Comme on lâche un P dans un relent fatidique. C'est toute l'ire du lyrisme. Le consensus, c'est quand tout le monde suce. Ouais, c'est con qu'on suce, ça pue la merde. Parce qu'on a foutu la bite dans le cul avant, c'est la merde, c'est plein la bite, quoi. Et on en vend enculer les lapins et ils explosent sous le poids de la bite, quoi. Et la merde, ça pue les chiottes. Et les chiottes, on dirait que ça crève les abcès, tu sais. Et ça, quand ça crève les abcès, c'est bon. On dirait que c'est puant. Et c'est ça qui est bon, c'est quand la vie elle pue, t'sais. Parce qu'elle te ressemble, maman. La précaution perce la casserole du ventre plein. L'esprit prévaut à l'usage d'allusive ferme de gavage de code. Si bien que l'homonymie délie du délit les langues labiles déguisées de guillemets gravées dans de nonchalantes et touchantes mémoires. Ravagées aux rives verbeuses de dictionnaires de la morale, du sens commun, qu'un monde décalé comme un pompier qui décale, les couilles rôties à glisser du cinquième accroché à la barre. Qu'un danger extrémiste pointe et vous toucherez vos linceuls, dont vous trouerez vos ADN, vous clouerez vos couteaux de boucher, chierez vos religions, nierez les cusses plastiques pas beaux du tout. Mangerez des noix, rirez du courage qu'il vous faut pour vivre là où les arbres meurent, et quand ce sera l'heure, vous viendrez à table. Thank you. Monaco, Bagnols, Cronenbourg, Kir, Demi, Distingué, Fillette, Bonne Année, Paysage Manteau, Gabardine, Les Fraises, Mentalo, Mental. Pute salope, l'obscénité nivelle à la manière de l'offensive du même nom. Car le frustre, le frustre et le manque de pertes blanches s'étiolent si la grande guerre m'habite. Comme ces flammèches mouillettes de sexe à sexe a généré des 60 dernières années à l'appel à fouiller les terres, la terre, l'immondice du disciple, et nager derrière des années à l'appel de ce faux rêve de nos pulpeuses inattentions ravies aux sublimes guirlandes de vomissures d'outrage qu'elles semblent blâmer pour tout à la mère Noël. Tu pourrais pisser, conscrit, mais le flambant neuf d'un service 12 pièces national est chose vide de rance. Je pourrais pourrir et me voiler la face. Prendre un dernier coup de boule, ouvrier de l'état du flux d'objets d'échange, à de nouveau ne plus rien être. Sinon cette violence vitale, ce débordement à tout casser de l'intelligence de la mise en danger de soi-même, puis l'espace d'une vague à lame, de fond, brise le bord tranché si franc, si compliqué à repeindre en caramel mouvant. Comme ils sont niais tous ces blaireaux et leurs gosses, à kiffer leurs pochis, leurs gosses, les couilles pendantes. Des Québécoises couattent, ou de se souhaiter des Noëls de panaché vin blanc. Vois que l'alcoolisme passif en tue plus d'un. D'autres qui fuck là où je passe. Fut-il innocent d'aller écrire dans les bars? Arsouille de la zone des sucettes short, quand le ti nous manque. Ou poser la balle au bout. La tendance équinoxe. la gourmandise du beurre. Sans ce en quoi acquérir. Et cibler, rapiécer, ravauder, recuire, cuire, cuire, confondu, à l'égal de quoi que ce soit, ce que fut d'humanité réduite au plus simple appareil photo. Ici, le pélophile reprend le dessus. Là, soit t'avances, soit tu recules. Ici, le gros beau gras pour autant avait parlé. Je deviens vieux, je pense. Il a à peine 30 ans, il se la pète. Les cums dans les bars, c'est des tarlouses. Entre guillemets, c'est pas des guillemets, c'est lui qui dit. Mais. Mais pas assez pour me mettre tous dans le cul. Je jouis. Un homme dans le cul, c'est parfois bon. Parfois. Cette vibrante acidité d'une pile électrique sur la langue, d'une lame de guillotine qui tombe et broie la réaction. Décrire le fossé à détruire, même si je reste incapable d'être clair, malgré le désir. Le vase des reflets des fleurs se nourrit du vrai, vague des ressacs et des replis. Recours d'un oubli des S, même si fatigué le rire s'épie de lui-même et partage le flair de l'épée, épaisse parodie de texte. Et décrit l'exquise infamie des toiles de fond si curieusement futiles et physiquement habillées de fourrures fertilement inscrites au sérail d'on ne sait La merde est posée, parlante. Je prends note et le 115 me ramasse. Je shoote dans un papier. Je me prends pour le prince du désert, des babas au rhum. Mais parfois ma date péremptoire me dépasse. Je zappe. Je suis au musée comme au zoo. Et mon mucus est blanc. C'est rassurant. Je crache, c'est une chute. Poète, poète, et puis sans bon. Poo-poo is everywhere. Poo-poo. Give me poo-poo. Where are you, poo-poo? I know it doesn't mean anything, but please help me. What does poo-poo mean, man? Who is poo-poo? Qui est? Caca. C'est qui, caca? Caca, c'est qui? Ça un footballeur. Il bave, tu veux dire? Un footballeur, je sais pas si ça bave. Non, je croyais un chouette baveur. Pourquoi pas? Il en bave, je veux dire. Bon, je sais pas, tu parles. Oh, c'est des feignasses, les footballeurs. Ouais, c'est vrai, c'est des enculés. Pareil, c'est ce qu'ils disent dans les bars, en tout cas. Enculé, c'est pas une insulte, là. Ah, c'est pas une insulte, pardon. Ouais. C'est des bâtards. C'est des bâtards, ouais. Ouais. Oh, bâtard. Là, ça ira mieux. On comprend mieux ce que je veux dire. C'est explicite. Ils ouais. Ont pas suggestif ce soir. Ils pas suggestif ce soir. Hein, si on est subjectif. Suggestif. Ouais. Subjectif. Je sais pas. Non, j'ai dit subjectif, je crois. Ouais, suggestif. J'ai dit suggestif. Si, c'est la nuit tombée, alors. Ça ouais, ouais. Et la nuit tombée, ça me suggère plein de choses. Ça me fait penser à plein de choses, genre ça. Ça aussi, ça me fait penser à plein de trucs. Des trucs vraiment intéressants, tu vois. Ah ouais. Pardon, ouais. Ouais. Ouais. C'est moi, hein, je veux dire, c'est moi qui tombe. C'est pour ça, je suis. Finalement, c'est ça, je suis la nuit tombée, c'est ça. Ouais, tu es tombé. Je suis tombé. Non, je suis tombé, Ah, t'es tombé. Ah, un tombant. T'as chu. Un tombu. Rambu. La chatte chaude, émoustillée par ses horreurs, ses envies de meurtre nécessaires, sacrificielles, sanctifiées, rituelles, j'en ai fini de vomir, de crachats oraux, de nuits de débauche en détrempe, en rebouche, où mes gènes m'offrent tout le plaisir de la débauche plutôt que l'embauche. Couilles, bites et recyclage ne mènent à rien. Dressé à la façon d'un mou rythmique, mimant en vain, va et vient, viatique du vin de messe, la stature du statique antique raflait la mise. Entre parenthèses, en tutelle détachée du halo écarlate, sinon finit à l'eau de Javel. Fallait-elle qu'elles foirent encore leurs ouvrages déjà ratés? Ou fallait-elle qu'elles fussent si fournites en cul, clauses de résilience, pour qu'il les eût vues au détour d'un passé de coups et blessures et de balafres surinées, comme au burin, plutôt que l'humain qui marche à tes côtés, au nez duquel pend une accroche publicitaire d'un publiciste importun, inopportunément blindé de thunes, qui joue à l'homme à la pétanque. Bête, botte, chou, clameur, carnage, cassette vidéo, voir s'essayer au surf, n'être œuvre que naissante. Une phrase sans article ni mort. Phrase de jeu de mots. Phrase de jeu, maladresse, jolie meuf. Gros cul, mèche de cheveux. Chevaux de traite des nègres au Cap Vert, en terre d'éruption volcanique. Or, même le mystère en face à face. Le communisme n'est pour rien dans le sens de l'hystérie historique, du violent viol, de l'égérie du despote. Taille de guêpe, costume croisé, cas sociaux, infirme insigne, astre du sens commun, vitrine de l'absurde, conséquence du froid. En l'âge d'une fébrile fixe attitude, désaxé des stases du crève-cœur. Que furent faiblesse rosée, rostre, brosse à la servantesse, revue sans exploit d'huissier ni grosse de notaire. C'est à croire qu'un squatteur soit moins ouvert en définitive qu'un voleur de commerçants. Là où le chien du tenancier de bar tabac te fout la paix, le hinge du squatteur te piste. Immonde brouillis, immonde brouillis à s'embrouiller le mépris, l'ostensible retour des muses, mésestimés de la non-connaissance du phénomène des goîtres chancres, d'une police des mœurs. Omelette garnie, pavé de quartier latin sauce keuf, casquette de marin, marine à l'huile, pomme au hareng, jeune apprenti, auturier à célébrer le chalut, à ratisser large, à tout prendre. Absconce incohérente, inutile toile de fond, facile digression, mais civiline littérature, alcoolo-poétique, tract tact et le toucher terriblement tactile. Espérer le pire. Avoir voté Chirac. Avoir voté. La police, le caviar et la trique. Of it. I can see it everywhere. The shit is rising everywhere. People are afraid of the shit. People should love the shit. People should take the shit and see what they are. They should eat what they are. They should become what they eat. Thank you. become what they eat. They can eat shit. They can eat themselves and become it. Shit, I mean. It's everywhere. It's heaps. Bags of it. Body bags of shit. They can eat the shit and drown in it. And then they can rot and become shit again. Once more. Forever. And ever. And ever. Be shit. Born to lose. Liberté, va te faire enculer. Liberté, go get butt fucked by your fathers and your mothers and all those stupid wimps. Fuck freedom. Let's get money and slaves. Sexual slaves. Let's get little babies and fuck them in the asses. Let's eat their bodies up with cum sauce, I mean. And let's whip them to their bridehood. Hello, Muslims. Hello, Catholics. Hello, Jews. Hello, fucking humans. Die now. You have seen God. You may die. I am God. You may die now. You have seen me again. Forever. And ever. Liberté. Liberté. Va te faire enculer. Liberté! Something to say, man. Can you hear me, human being? Anywhere? Nowhere. None of them. They're all gone. They dimmed away. They dimmed out. They turned off their light. Humanity, where are you rotting away? Your souls away, I mean. Have they all, like, melted? Êtes-vous fondu? Dans des masses, atrophiées, atrophied, like... Fille de joie, c'est pas tous les jours qu'on rigole. Belladonna, tropina, pinla, prends-le et secoue-le par le cul. Et ensuite tu prends ton chien et tu le fouettes, il le mérite, c'est qu'une bête. Ouais, j'ai retrouvé la citation, Georges Brassens. Fille de joie, c'est pas tous les jours qu'on rigole. c'est pas rien dur. Aussi précis qu'une bouteille à la mer. Appâté par le sandwich, que tu le croives ou pas. Rendre hommage, c'est donner la mort. Faire chier quoi, bordel de merde. Damn, it's boring. Mais c'est quoi, c'est pas, on n'est pas sur Canal là? Bored to death. C'est, hein, on est, c'est parce qu'on est sur Canal. Ouais, it's because we're on Canal Sud. C'est parce qu'on est sur Canal Sud. Ouais, ouais, on se fait chier, we're bored to death, man. 92.2, c'est ça, je crois. Ah, fuck it, quoi, fuck it, tu vois ce que je veux dire, ah, fuck it, quoi. Ah ouais. Il y a des gens qui non, les mais écoutent, qu'est-ce là, vous croyez, quoi? Mais j'en ai rien à foutre. Ah c'est ouais, ça le truc, ouais, tu vois. Ah ouais, ouais. Mais j'en ai rien à taper, quoi. Ouais. Mais rien à foutre de personne, ni de moi d'ailleurs. C'est ça le truc. Merde quoi. Merde. Merde. Shit. Merde. Shit. Shit. Merde. Merde. Merde alors. It's a nutcase here. It's a basket case, man. It's a case of baskets, you know. They're all gone haywire. They're all eating each other's souls. God damn it. And this is your religion. I see blasphemy in the sky. I see blasphemy in the waters. I see blasphemies in the eyes. I see blasphemy in death. I see truth in shit. Yes, truth is shit. Like blasphemy is truth. And this is your religion. I'm impressed, man. We're gonna die happily this time. We're gonna have to kill each other once more. God damn it! Will it ever end? Schizophrenia, I mean. It's everywhere. I can see it in their eyes. It shines. I can see it in their assholes when I fuck them. They're schizophrenic, I can tell. fuck. That's butt fuck. Yeah, butt fuck. Yeah, butt fuck. Exiger peu, donner du beau, ramener le destin d'une boîte postale à rien d'autre qu'une poubelle à toute boîte, aménager une nageoire sur son ventre, à se gratter le gras du haut des cuissards de chaussée pour la pêche aux pertes littorales, aveugle aux adieux des jus des rétines d'un pétale d'amibe ami du castor qui zone dans l'ouest, dans le pays du matin abrupt, du soleil levé comme un pain. Les huîtres que je gobe, les moules que j'aspire, sont culturels et choix. Grandir est si petit, décider de vieillir fait jeune face au jeunisme ambiant, quand presque tous les jeunes sont vieux. Répéter à l'envi, clone du goulag, du conforme, conforme. Car ces jeunes du chemin des dames, c'était pas des hétéros. Vivre n'est pas un métier. Vivre est un mythe. C'est tout autre chose. C'est l'art de mentir. Il s'agit d'une ou de nombre d'urgences, de souffle comme d'essoufflement, de trouver, d'inventer les trésors de la langue. Cette quête du temps des temps, la détente de pulsions qui meurt, nous dépasse, prime, déprime, reste, reviennent. Let me translate. Individual. Death. Bande de gros porcs. Vas-y, traduis. Bande de gros porcs. Non, l'amour. L'amour est comme ma main. Love is like my hand. In a fist. Outrui aveugle. What are you talking about, man? Blonde. Okay. I'll be blonde for you. No problemo. I'll be blonde for you, baby. I mean the guitar. No, I'm full of shit. Okay? No, but don't hit me. Don't hit me in the face, motherfucker. Don't forget I'm God, you know? I'm a dog. Waff. You're not gonna hit your own dog, man. Own me. Tu m'appartiens. Non, je t'appartiens. Je vais pas me frapper, quoi. Si vous voulez... What? Quoi? Oui, oui. What do you mean? Explain me. Moi j'appuie sur le bouton magique, I press the magic button. I'm really sorry, je suis vraiment désolé pour cette interruption momentanée, for this momentaneous interruption. This will not last very long. You will soon be headed north to the side of the planet where the light is. Versailles. Versailles. Sarkozy est mort, vive Sarkozy, quoi. Non. Ah non, non, c'est pas possible, hein, parce que j'ai enfin compris ce que ça voulait dire. J'ai enfin compris ce que ça voulait dire. Sarkozy. Le roi est mort, vive le roi. En fait, c'est parce qu'il va y en avoir un après. J'avais jamais compris. Ah, moi je croyais que c'était parce que vive le roi, il faut le faire vivre avec sa bite dans le cul pendant qu'il est en train de crever, quoi. Ah, ouais. Ou peut-être qu'on va nécrophager son fili, quoi. Ou peut-être aller dans sa tombe, tu vois ce que je veux dire, pour... Ah, ouais. Pour aller remuer tout ça. Aller lui blasphémer le cul, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ce bon vieux roi... on va pas dire que ça recommence, mais presque, quoi. I'm gonna kick his ass. Je vais lui botter le cul. Don't touch me there, no! Don't forget you have somebody important in life. Not like me. Do not touch me, I am not important. I am somebody unimportant. Do not touch me. Touch somebody important. What you want is power. When you have power, you have freedom. When you have freedom, you have money. When you have money, you have babes. When you have babes, you have money more. More money to spend still, after having sold your babes again once more. For money. Music! Music! Music! Une pique contente une sauce d'air high school à ton Haber ni ville Mittellander Zutune Andale la musica Andale andale musica. La musica! Andale, andale! Goddamn nuisance! We're not gonna have to stand this much longer. We're sure gonna have to die. I mean, it's on the schedule. So we might die like tomorrow or maybe next week. Or should I say today? Maybe. And we absolutely must think of wee-weeing on the carpet before dying. Because it's more comfortable that way. You can come on the carpet if you like. Feel free to be at home and masturbate with a giant dildo in the shape of a heart. The heart of cum, I call it. Come home. Oh yes, heart. That's why I call it heart of cum. Je pensais aussi qu'il y avait peut-être moyen de se comprendre. Mais je suis pas certain, non. Non, finalement, non, il n'y a pas moyen, non. There's no way we understand each other. No way in heaven, anyway. Fuck heaven, let's go to hell. Yeah. Okay, we're almost there. Let me think a while. Getting there. Now, we're not undetectable anymore. So it's just gonna sound like I'm spraying paint or something. Get that? Oh, you hear me? Man, nobody understands me anymore. You mean I'm alone? God damn! I'm finally alone. Maybe I can kill myself or something. It could keep me busy. It could keep me busy, like I'm in a wall and I'm drinking the water and I think maybe I can kill myself or something. You know what I mean? Or like maybe it's their fault after all. I might just kill them. Like throw them in the well or something. Make them drink my water. See what I mean? After all, they asked for it. It's their fault. C'est leur faute. is the sound of blood. I'd forgotten. Where is the blood? Where is the blood? Where is the blood going? It's flowing. It's flowing here, it's flowing there, it's flowing everywhere. Welcome. To part two. Batter is on the way. He's batting. He's still batting. I can see it. He's on the field. He's on his way to the bat. He's going to bat. The bat is going to bat. He's freaked out. Okay, let's play soccer. Hit the ball. Hit the ball. Hit it again. Once more. Once again. Okay, think. Get out and get yourself something. Nous sommes en train d'écouter la version Opus 36 de la cantate de Bach, numéro 67 bis, dans le recueil numéro 45, page 27, de l'assemblage numéro 17, de la Bacchus selon Bach, cantate sans filet, nous aimons tous l'amour, et ainsi va la vie, ich bin ein Berliner, etc. Auxiliary. This Ophelia was not equal. God damn it. I mean, what can I talk about? What can I talk about? Yeah. Talk to me, say hello. Swallow your tongue. T'étouffer sur tes mots, avale ta langue. Je sais, c'est un cliché, mais putain, on va pas vouloir vivre quand même. I'm gonna wanna live, you know. I mean, what's creative there? I mean, everybody wants to live. See what I mean? Tout le monde veut vivre après tout, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus original. It's better to like want to die. It's more original. It's like more. It's like a more original, creative process. Want to die? Exactly. That's what I was saying. You know, let me talk. Laisse-moi parler, tu sais. S'il te plaît, tu sais. Je parlais, tu vois. Je disais quelque chose à toi, tu vois. Sensitive. Stop choking me! Thank you. See what I mean? Such a good romantic. Now, what are we going to do with this now? It's like manure. It stinks like manure. It smells like manure. It feels like manure. It looks like manure. It has the taste of manure. The touch of manure. The looks of manure. The smell of manure. It has the sex of manure. Maybe we can fuck it. Maybe we can fuck the manure. I mean, me, you see what I mean? Us? Maybe we can fuck it. Or maybe it can be fucked, in fact. Maybe us can be fucked. Once more. One last time. Before dying, I mean. A rot. Maybe it'll even participate in the rot. But I gotta get out of it. I gotta get out of here. I'm screaming throughout here. I'm fucking out of here. I love fucking ha ha. Yeah, I fuck so much. I love fucking so much, I mean. Fucking is good. Like, it's love, but I mean, it's fucking, it's better. Isn't that bad, doctor? I mean, like, fucking, I prefer fucking to loving, you see what I mean? Is that bad, doctor? You know I don't give a fuck, son. You just gotta get out of it by yourself. You gotta get out of it by yourself. You know what I mean? Okay, doctor, just give me the prescription, please. Thank you. Bye-bye. Jazz, you forgot, you're the den of it, aren't you? It's horrible to be inside. Thank you. Mec, tu sais, je lui disais, il y avait un truc que dans le genre que tu sais, il faut que tu te dises, tu vois. And I was talking to the guy, I was saying, like, you know, it's about that time when I'm talking about the guy, you know. So the guy is like telling me, le mec il me dit, tu vois, genre, tu vois, il me dit, tu vois ça là-bas, you see that thing over there, you know what it means, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Talk about wee wee, man. No catastrophe. Where the fuck is my weed, man? Came from the States fucking steal my weed, man? What the fuck did you do with it? No. I'm gonna kill you, you hear? False. No, it's not a lie. You're the liar. You're the one who invented the word to lie. You invented to lie, you know? Did you know that? Didn't you even know that? You don't know shit, do you? Sorry, can we wish ourselves and all actions, infractions. Oh my god. Oh my god. You can feel the Christ in me. Oh yes, I can feel it in my bone. I can feel it in my bone. You feel the Christ in me. I can feel it in my bum. Christ is everywhere in my bum. The Christ. The Christ. It's a salty cracker. We got prostitutes too in France, you know? Yeah, I mean, like the Christ and all, you know? Are they... Fufu? La fufu, the popo sissy. Oui. You want to go back into your anorexia. You want to reverse your amnesia. You want to distinguish your bulimia. You want to falsify your coats and your skins. You want to wear yourself, but not wear yourself out. Okay, okay, you got me there, you got me there, okay. It must not be comprehensible, okay? Okay? You invert your skeletons. You have your resistance and your revolutions. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Ça va pas se passer comme ça, moi. Oh, je te dis, ça va pas se passer comme ça. Hein? But your skeletons, they have no skin. Your skeletons. Je suis pas un putain de skinhead, moi. They enjoy the race. They want the Christ in their rice. Oh, je bouffe pas de souris là, moi. Ça me regarde pas, c'est none of my business, you know? Like, you can keep your own convictions to yourself, you know? And keep in, and talk to your fish in his bowl. Okay? Like in its toilet bowl, okay? Like talk to your fish in a bowl, okay? In the toilet bowl. Deep in the waters of the toilet bowl. Concede all your secrets. Concede all your secrets. moi ça. You better not answer to that. Finish your drink and clean your ass when you get out of the toilet. Before, I mean. Damn it! Who is this emanating? Speak French. Do you understand my French? You want to hear my French? Salut. Because it's called the we are now following the third page on the 25th line with the guy talking in the back. Okay. Yeah, he's talking in the back. We're about to follow the whole sequence in the story. Like, you don't understand shit stuff, so I'm doing this for nothing because you can't understand it. Anyway. Fuck it. Okay? Crashing the airplane in the fucking sea, goddamn, didn't pay us my money, you know? So I'm gonna die now! Do you get that? Remember how roses. Yaku calling now from the free consultation. We shall console your soul. Around it. I want my soul to be burned, goddammit. So I deserve it. So you're not gonna tell me to keep it in a safe and like show it around with people who are rummaging in baskets of hell. See what I mean? No, I didn't get that, no. I didn't get that, blah. Blah, blah, blah. Who plays with them? créatures qui peuvent se parler à terre, même créatures planètes. C'est une nuisance. Oh no, it's nuisances, man. No, nothing to do with it. You can stop now. It's over. Man. So you gotta admit it, man. God, man. It was a like fucked up human style over again, man. For like another series of you think the same thing the whole world over again, man. You see what I mean? I'm not fucking stupid when you think for something stupid, you know? I'm not only fucking stupid, idiot, you know? I want some bass in my voice. I got too much treble, okay? I got like this trebleless voice. I wanna die now. Ah, oh, fuck it. I can't express myself right, and I can't stand it. People come rummaging in my asshole all the time. It was perfect. Why did... Pourquoi que j'ai fait quelque chose? Pourquoi faire quelque chose? Pourquoi faire? Why did you do? God damn it. Don't do anything. Ne faites rien. Don't even breathe. Ne respirez même pas. Don't deserve it. Ne méritez pas. Vous allez mourir, n'oubliez pas. You're gonna die, don't forget it. Sur l'antenne de Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Nous sommes actuellement en possession de l'antenne pendant un court laps de temps, enfin plutôt bref, je veux dire, par rapport au temps que t'as duré l'univers. Sinon, un plutôt laps de temps long, puisque nous avons commencé l'émission en retard, je veux dire, c'est pour ça que nous avons débordé largement sur l'émission qui n'existe pas d'après, je veux dire, pour l'instant. Ensuite, nous laisserons l'antenne dès que un auditeur ou une auditrice ne m'appellera pas. Si vous appelez, on ne cédera pas l'antenne, n'hésitez pas à ne pas appeler, quoi, je veux dire, pour qu'on cède l'antenne peut-être. Vous avez une chance de vous abstraire en vous abstenant sur le poteau en face, je veux dire, à côté de la boisson. Merci à tous. It was such a bullshit phase, I'm not gonna translate this one. Okay? On the TV screen. No, you can't. Yeah, you can. Why didn't you put your headphones on, man? Why didn't you do that when I told you to, okay? You're gonna obey now. Like a dog, like God. You see what I mean? Obey. Okay. Now, what about you're pale and pale face? How? You look pale face. You've got a pale face. Iroquois. Iroquois? Iroquois. It doesn't fucking exist in Iroquois. France. What are you talking to me? I don't know that word. I don't know what you're talking about, Iroquois. Well, the dernier Iroquois. The last of the Iroquois. Last of the Iroquois. Cannabis? No, my God, no. Not that word. It's the same in French. Fuck. Oh, shit. Oh yeah, pot, it may erase the other one, you know, the one before. Pot. This one doesn't exist in France. Un peu de chambre, pot you put on the bed to shit in. Un peu de chambre. Pot. Oh shit, what have I done? It's all your fault. I'm gonna have to shoot you down now. I'm gonna have to shoot down like a god now. The shite flows from the anus. Oh yeah, talk about an anus once more. Once small anus. Anus once more. I want some more anus. I want an anus in my small. Yeah, that's what I was thinking about. See what I mean? Expression is a free flop. And a bunch of others too, but they're stuck in the head, you know. They can't get to express themselves, so at least you have free to choose upon. So which one do you choose, you know? See what I mean? You can fuck me in the ass once. You can fuck me in the ass twice. You can fuck me in the ass three times. You can fuck me in the ass four times. You can fuck me in the ass five times. You can fuck me in the ass six. You can fuck me in the ass 7, 8, 9, etc. You see what I mean? C'est ridicule, c'est ridicule. Faut arrêter. On peut pas passer une vie entière à listen to these ces autres. Quoique, I don't think there's any possibility que ils puissent les traduire les adaptations. Un peu du Coca-Cola. Vous êtes sur le point de rencontrer une nervure. Une nervure tergiversable et toujours disjointe. En matière de progression, il n'y a pas de déblatération possible. L'on ne progresse pas un iota. On n'a pas progressé depuis longtemps. Non, je plaisante. Ce n'est pas la vérité. La vérité est que l'on progresse vers le pire. Thank you. Vous êtes en présence d'un tumulte chaotique, ou chaoteux en tout cas. Et nous sommes à présent sur le point de vous libérer de votre chaos même, que ce que je dis c'est vrai. D'ailleurs, nous allons vous passer une petite musique, une zizique toute fraîche. Toute fraîche issue des pores de la peau. Voilà, donc ça c'est une musique que j'affectionne par-dessus tout. Je puis la commenter si vous le souhaitez. Je ne sais pourquoi, je savais que ce serait de la musique qui passerait ce soir sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud Planet. Vous êtes avec nous pour encore longtemps, car la suavité même que ce que je dis c'est vrai. Vous êtes avec nous. Et nous sommes sans vous. Pourquoi ? Je ne sais pas. En tout cas, cette question demeurera pour l'instant inexploitée. Inexploitée jusqu'à présent. Je veux dire, car nous sommes toujours et maintenant, à présent, toujours, malheureusement, dans l'émission Nuisance. Qui perdure malgré ses perforaisons intempestives des tympans. Nous allons pouvoir percevoir une omnubilance. Ça y est, nous y sommes. Je vais pouvoir arrêter l'enregistrement, arrêter la session. C'est la fin. C'est la fin de toute vie sur Terre. Vous allez pouvoir mourir enfin.